aimer c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Et alors l'amour est plus fort que la mort. Chiquito Mouchachino, représentant légal des Suisses-Irlande. Si recours peine à vie à noter, grâce à la vie n'a pas ni n'a problème à n'a pas. Quand on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Fudo Adolphe. Na kati fire kou, ben a fie anote. Ansi a la binanga nini, na problème nanga. Bakota kabolako, soki o buki mbeku. Ninyo linga kanasa, oyo kana sali sifi. Kona koma mopa ya lela yo, na mute mana yo. Songi Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, Banguna, vérifie la nouvelle information. Pour Nathalie, innocent. Bakala va toujours n'importe quoi. Pour pas décourager. Mana et Otoka, Bwana Banguna, Bassa, Fetier. Bakala va toujours n'importe quoi. Mouchachino, bana ya toka bwana bangu na basa fetie. Mi balo, ata mucha ki e kapetitea, hey hey hey, Henri ma papa tué. Voilà mon Kenny. Jerry Pidio. Manda Chewa. La bière en bas qui m'a yo. Ma boko polele. Va des aïeux. Lelo est comme il volé qui la maille. Yo yo. Atambo tete o. Le sponsor Claude Kalala, Abbé Robert, J.P. Meyer de London. Bienvenue Mangani, Autrichien. Bafiti Bakosi, Chintu du monde, Pati Tumba. Nanakoya Pele la London. Bafiti Bakosi.